Les Saguenay de Scoutimi ont surpris un peu tout le monde. C'est quoi? C'est jeudi soir, en faisant l'acquisition du défenseur Olivier Baribault des Foreurs de Val-d'Or, selon ton retour, un espoir et des choix au repêchage. Quoi qu'il en soit, pour apprendre à mieux le connaître, on lui parle. Salut Olivier! Bonjour, bonjour. Olivier, est-ce que tu es content quand même de la transition qui t'en va et qui t'emmène ici à Ville-Saguenay? Oui, c'est sûr que je suis content. T'sais, avec toutes les acquisitions qu'ils ont faites, je pense qu'ils ont acquis beaucoup d'expérience et beaucoup de talent. Fait que m'en venir dans une équipe qui aspire à gagner la Coupe du Président, je pense que c'est un bel honneur pour moi, puis c'est une belle opportunité aussi. OK. On te définit comme un défenseur qui est bon dans les deux zones, quoi? On peut dire ça comme ça. Je pense que ma plus grosse force, c'est mon jeu défensif. Je réussis à amener un peu d'attaque par ma relance, puis mettre des tirs au filet. Okay. C'est surtout mon jeu défensif, puis mon apport physique là, qui sont mes deux grandes forces. OK, OK. Olivier, est-ce que tu penses, parce que tu as quand même participé, tu as quand même une Coupe du Président il y a 2 ans, tu as joué avec Anthony Mantant, entre autres. Donc, certainement que l'aspect du leadership, tu vas apporter ça à Scoutimi, là. Oui, c'est sûr, comme tu l'as dit, j'ai remporté une Coupe du Président, là. De 3 ans, perdant en demi-finale, de 2 ans. T'sais, j'ai quand même beaucoup de matchs en série de dans le corps. Fait que c'est sûr que je vais amener cette expérience-là avec les Sags, puis amener aussi mon leadership là, que j'ai acquis dans mes 3 dernières saisons, 3 dernières saisons et demie à Val-d'Or. OK. Est-ce que tu t'attendais vraiment de partir de t'emmener à Scoutimi? Est-ce que c'était vraiment parce qu'on attendait. Je faisais la chronique des Saguenay avec Sébastien Morin hier. Puis il me semble que ton nom figurait pas avec les Saguenay de Scoutimi. Est-ce que tu es quand même content de te retrouver finalement avec les Sags? Ouais, mais surpris en même temps? Ouais, ben c'est sûr qu'il veut pas. Ça faisait 3 ans et demi que j'étais à Val-d'Or, j'avais une certaine stabilité. Eux autres, ils recherchaient à avoir peut-être rebâtir un peu pour l'avenir puis tout ça. Fait que mon nom circulait beaucoup dans plusieurs rumeurs de transactions, dont avec les Saguenay. OK. Fait que c'est sûr que surprise un petit peu, mais j'en avais entendu parler auparavant quand même. Je sais que c'est juste des rumeurs, mais ça avait coulé quand même un petit peu, mais c'est sûr que je suis content de m'en venir ici avec les Sags, puis prête à accumuler des victoires. OK. Parlons maintenant de ce que tu as vu en fin de semaine. Est-ce que tu as vraiment aimé ça? C'est sûr que ça va prendre un certain temps avant que le Giro prenne, comme on dirait, là. Ouais, exact. C'est arrivé dans une nouvelle équipe, nouveau système. En plus, il y a la grande glace aussi, que je m'adapte un petit peu, puis que je retrouve des repères. Mais jusqu'à là, c'est vraiment une bonne gang de gars. Ça va être une grande famille, les Sags, puis c'est ce que j'apprécie. Puis c'est super facile à m'intégrer jusqu'à présent. Là. C'est juste continuer à force de pratiquer, dans le fond, je vais apprendre à mieux connaître les gars, puis à m'adapter mieux dans le système de jeu, puis je trouvais plus mes repères sur la grande glace ici, à l'aréna des Sacs. Est-ce que l'an prochain, tu entends jouer à tes 20 ans? Est-ce que d'abord, je pense que de mémoire, tu n'appartiens pas à aucun club là, hein, dans la Ligue nationale. Hein? Non. C'est l'idéal, ce que je voudrais, ce serait de bien performer, puis d'aller loin avec l'équipe en série éliminatoire. OK. Puis d'obtenir un contrat professionnel pour jouer pour l'année prochaine. Ça, ce serait l'idéal, c'est ce que je voudrais. Sinon, c'est sûr que je reviendrai à 20 ans dans la GMQ. OK, avec les Saguenay, fort probablement. Bon, Olivier, bonne chance avec les Saguenay. C'est fort agréable de voir qu'il y a des gens bouger autant. Puis on espère évidemment que les Saguenay vont faire un bon bout de chemin. À tout le moins, le carré d'as. Ouais. Olivier Baribault des Saguenay de Scoutimi.